Attends, je vais. Je vais t'envoyer une photo là, je viens de l'ouvrir. Hein. Il n'y a qu'un fil, il y a trois ressorts. Il y a trois ressorts et puis un fil vert. Hein. Bizarre quoi. Ah, super. Ouais, en fait, ce morceau, j'arrive au début quoi. Enfin, j'ai qu'à prendre, mais c'est pas évident quoi. Yes, we can hear you. Tu as vu mon lien, Philippe? Le lien précédent. Ah, c'est là, Philippe.